Alors aujourd'hui, c'est un moment un peu spécial. Aujourd'hui, je vais vous présenter une amie très chère, tout aussi vicieuse et dépravée que moi. Elle est dominatrice professionnelle. Elle s'appelle Maîtresse Gladys. Elle reçoit dans son donjon parisien, superbement aménagé pour torturer autant qu'elle le veut tous ses soumis. Et vous allez découvrir un peu plus son univers, sa personnalité. Pourquoi? Parce que d'une, c'est passionnant. Et de deux, Maîtresse Gladys est ma complice. Nous proposons toutes les deux des séances en duo. Et j'avais très envie de vous la faire découvrir. Maîtresse Gladys, bonjour. Salut Charlie. Comment tu vas? Ben ça va bien, ça va bien. Je suis très heureuse de voilà de. Bah, je te vois pas directement, hein. Bientôt, c'est bientôt. Mais bientôt oui, parce que je suis tellement ravie que tu viennes chez moi faire des séances en réel. Alors que bon, tu es plutôt dans le virtuel, mais voilà, c'est génial hein, Ah, c'est qu'on puisse génial, se on peut rencontrer. sentir la chaleur de la peau qui chauffe, c'est un bonheur. Ah oui. Ça change un peu. Exactement. Alors donc toi, maîtresse Gladys, tu es donc domina professionnelle. Ça fait combien de temps que tu exerces tes talents de fesseuse hors compétition, je vais dire? Parce que tu as une Alors, sacrée maîtrise de la badine, de la canne anglaise, du martinet, du paddle. Moi, tu m'as tout appris, hein. je pense que tu intègres assez vite. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai commencé il y a un petit bout de temps et je me suis vraiment lancée avec mon site il y a 5 ans à peu près. Voilà, en plein Covid, c'était pratique. Tu as permis quand même à pas mal d'hommes qui avaient besoin d'être un petit peu structurés pendant cette période de flottement qu'était le Covid, ben de reprendre un petit peu de structure dans leur vie et de passer cette période difficile avec beaucoup plus de plaisir, non? Oui, ça, effectivement, parce que ça permet de s'extraire du monde difficile dans lequel on est. Et du coup, forcément, quand on vient voir Maîtresse Gladys, les choses deviennent tellement plus douces et faciles. Tu mets de la douceur et de la facilité dans la vie de tes soumis, c'est beau, ça. Un peu de sévérité quand même. Bah, en fait, la douceur, c'est pas quelque chose qui est exclu de ma domination parce que je pense que c'est vraiment le différentiel entre comment dire, la fermeté. Il y a des pratiques qui font un peu mal. Après, moi, j'ai des soumis, ils sont pas du tout masochistes. Hein, bon, mais c'est vrai que le différentiel entre la fermeté et quelque chose de plus doux, c'est ça qui va créer le lâcher prise. Donc, la douceur, elle fait partie du BDSM à mon sens. Bien d'accord, je suis bien d'accord. Le BDSM ne se limite pas à un catalogue de pratiques, c'est une relation entre la domina ou le dominant et la personne qui se soumet. Toi, ça fait un bout de temps que tu côtoies, gravites, expérimentes ce monde du BDSM. Tu as une grande expérience et de pratique. Ça fait donc 5 ans, tu m'as dit, c'est ça, que Alors, vraiment tu. non, je me suis lancée comme vraiment avec un site. Alors, j'avais démarré les séances un peu avant. Donc, je me suis lancée il y a à peu près 5 ans. Après, vraiment, le monde du BDSM, ça fait. Je ne vais Des pas dire années. Hein. combien de temps parce que après, on va pouvoir en déduire mon âge canonique. Mais oui, ça fait vraiment longtemps en fait j'aime ce milieu, que je sors dans ce milieu, que j'essaye de le raconter aussi. J'adore écrire, voilà, il suffit d'aller sur mon site hein, pour voir qu'il y a beaucoup beaucoup de textes à lire. Donc voilà. Tu es une domina et une femme, en règle générale, qui aime quand même le raffinement et les jeux de l'esprit. Qu'est-ce que tu attends d'un bon soumis? Pour toi, c'est quoi un bon soumis? Alors, un bon soumis, en fait, il va appliquer, découvrir et progresser, on va dire, dans ses qualités de soumission. Donc, les qualités de soumission, pour moi, c'est par exemple l'humilité. Donc, l'humilité, prendre conscience de ses défauts et de ses qualités de soumis. C'est aussi accepter sa condition de soumis. C'est aussi savoir patienter. C'est aussi ça, comment dire, progresser dans son lâcher prise, c'est-à-dire savoir lâcher prise de plus en plus rapidement, mais ça s'installe avec la confiance qu'on a avec sa dominatrice. Oui. Voilà, ça c'est un exemple, hein. Il y a d'autres qualités encore, ces qualités-là, elles vont rendre le soumis bien soumis et heureux dans sa condition de soumis. Oui, et puis du coup, dans ce que tu dis sur développer sa capacité à lâcher prise, ça veut dire que tu aimes les relations quand même de domination qui s'installent et qui permettent d'évoluer en fait, pour aller vers de plus en plus de connaissances l'un de l'autre et que la domina puisse pousser le soumis de plus en plus profondément de plus en plus profondément vers là où ça lui fait du bien, peut-être frôler ses limites, etc. C'est ça? Oui, profondément. Profondément, vraiment, profondément. Alors, j'ai beaucoup insisté sur profondément, mais j'ai bien compris. Non, mais en fait, oui, c'est de se connaître. En fait, moi, je pense que je suis vraiment une guide qui va accompagner en fait le soumis pour découvrir comment dire ça. Pour découvrir sa part de soumission, parce que ce qu'il vient exprimer en fait dans mon donjon, c'est une part de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre ou un personnage inventé. C'est une part de lui-même qu'il ne peut pas exprimer à l'extérieur et qu'il vient exprimer chez moi. Donc évidemment, le temps, quand on développe une relation dans le temps, cette connaissance, à travers les pratiques, va se développer en fait, et à travers les aventures et l'histoire qu'on va avoir, parce que c'est une véritable histoire. Le soumis va découvrir qu'il peut supporter finalement beaucoup, qu'il y trouve une vraie joie là-dedans, un véritable épanouissement. C'est ça en fait, hein, c'est vraiment, j'ai un rôle de guide en fait, pour découvrir cette part de lui-même en fait, voilà. Alors tu es un guide, mais tu es aussi très joueuse. Oui. Tu aimes taquiner, titiller, tu es moqueuse. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur un moment qui t'a particulièrement amusée en tant que domina avec un ou plusieurs soumis? Il y en a beaucoup, j'imagine. Oui, alors là, je vais essayer de... Qu'est-ce qui me vient Moi, tu m'avais parlé. Oui, vas-y. Je vends un peu la mèche, hein, parce que c'est pas la première fois que tu sévis avec d'autres dominas. Tu aimes bien l'émulation que ça amène. Oui, tu m'avais parlé d'un goûter. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que les duos. C'est vrai que moi je m'amuse beaucoup en duo ou en trio de dominas, hein, quand on est plusieurs dominas ou là quand on sera toutes les deux. Enfin déjà, on a déjà fait une séance ensemble, Charlie. Donc tu sais très bien que il y a beaucoup d'émulation, effectivement. C'est vraiment le. C'est parce que en fait, moi je crois vraiment à l'addition des vices, en fait. C'est-à-dire que quand on est deux ou plus, forcément ça se passe vraiment très très mal pour le soumis, quoi. Et ça, c'est forcément c'est le, comment dire, il y en a pas une pour attraper l'autre, quoi. On est vraiment des salmos, mais et ce pauvre soumis, il déguste, quoi. Et forcément il y en a une qui va rebondir sur l'idée de l'autre, et l'autre va rebondir derrière, et ça va aller assez loin. Et puis bon, on est deux pour aussi faire attention aux soumis, donc on peut aller vraiment assez loin, je trouve. Et c'est vrai que sur mon site, il y a pas mal de comptes rendus, il y a pas mal d'histoires. Je pense aux pupus de partie qui sont dont là de la bisexualité forcée, mais aussi le par exemple le compte rendu qu'on a fait du soumis qu'on a eu en séance toi et moi, Charlie, de ce pauvre Rafi qui où il s'est fait défoncer la bite à coups de paddle où il se prenait des gifles et d'un côté et de l'autre il se faisait fesser ardemment, forcément c'est quoi, c'est alors je précise, hein, je précise pour les auditrices et les auditeurs non avertis que Tout ceci, quand vous entendez des mots forcés, défoncés, etc., c'est un jeu, évidemment, et ça se fait toujours avec du consentement. C'est-à-dire que la personne qui vient est d'accord et demandeuse de ce qui se passe, en fait. Je précise. Je précise parce que, pour les oreilles sensibles, sachez de quoi on parle. On parle d'une relation de domination. Donc, une relation de domination, c'est la mise en scène d'une relation de pouvoir où un va dire à une ou plusieurs autres personnes: je m'en remets à vous, je vous donne autorité. Et avant, on s'est bien évidemment mis d'accord sur les limites, les choses possibles, les choses impossibles, avec des mots aussi, des safe words, ce qu'on appelle. Oui. Donc, tout ça se fait en tout bien, tout honneur, pour le plus grand bonheur, en fait, de chacun et chacune. Bah, d'ailleurs, la séance qu'on a fait ensemble, je dois reconnaître que ce cher Rafi avait l'œil quand même particulièrement brillant. Et plus il se faisait malmener, plus le vice s'allumait dans son œil et plus il en demandait, en fait. Ah bah c'est clair, en plus Rafi, lui il est assez entraîné à la base, hein, donc. Donc en fait, tu transformes les soumis en véritable vicieux, du coup, si je comprends bien. Bah en fait, là, vraiment, l'idée c'est de les dépraver, hein. On est vraiment dans l'idée de la dépravation, en tout cas en ce qui concerne Rafi. Après, il y a des soumis, ils sont plus maso-maso, donc là, effectivement, avoir double dose avec deux dominas, ça peut aller très très loin aussi. En fait, en duo, on peut faire vraiment plein de choses très très intenses, en fait, ça, sur le soumis. Donc, il y a plein de jeux possibles. Et beaucoup d'humiliation aussi qu'on peut faire, parce qu'on est quand même deux moqueuses de bon niveau. Oui. Hein, C'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce que toi, t'as des affinités particulières avec des pratiques? Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes particulièrement faire? Alors moi, il y a la Sainte Trinité gladicienne. Hein, c'est... Ah. Ouais, alors, il y a tout ce qui est punition du fessier. Oui. Il y a aussi tout ce qui est anal aussi. J'apprécie beaucoup l'anal sur les soumis, mais je peux très bien faire une séance aussi sans anal, hein. C'est pas, je serais pas frustrée. Non, moi je te demande toi, voilà, toi ce qui allume particulièrement le vice en toi, en fait. Bah, la punition fessière, l'anal, ouais. Et donc l'anal, et puis le tout ce qui est fétichisme, que ce soit des pieds, des talons, et puis bon, je rajouterai quand même quatrième, vraiment, ah, quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est torture. D'ailleurs, ce pauvre Rafi le sait bien, tout ce qui est torture des parties génitales, et aussi j'adore torturer les tétons. J'adore ça parce que je vois le regard du soumis. Oui. Je suis vraiment en connexion avec son regard. Et donc voilà, donc on peut imaginer moi en train de torturer les tétons, toi en train de mettre des fessées, il y a plein plein de choses. Après, voilà. Après, il y a des pratiques que je fais moins souvent parce qu'aussi, il y a moins de demandes, mais je les aime beaucoup. Hein. C'est ouais. Les cités, bon, il ne faut pas être trop cardiaque, mais voilà. bon, les sondes aussi, urétrales, c'est sympa. Après, je sais que c'est un peu particulier, hein, c'est pas forcément... c'est vraiment... De toute façon, le consentement est recueilli clairement en amont, par écrit, oui, etc. Et puis, on peut toujours revenir dessus, il n'y a pas de souci, évidemment. Donc, dans ce que tu me disais, toi, en tant que domina, et j'ai trouvé ça très joliment résumé, tu offres un espace aux soumis pour exprimer une part de lui qui n'a pas souvent l'occasion d'exprimer dans d'autres endroits de sa vie. Donc, tu lui permets aussi d'expérimenter vraiment l'humilité, la joie, la reconnaissance. Oui. Et toi, qu'est-ce qu'une séance avec un soumis te permet d'expérimenter? Qu'est-ce que ça t'amène à toi en tant que femme dans ta vie, le fait d'être dominant? Oui, juste par rapport à ce que tu disais sur la reconnaissance et la gratitude, c'est aussi une qualité très importante que je demande à mes soumis, quoi. C'est vraiment parce que ça, le fait de dire merci maîtresse, c'est, voilà, ça c'est important pour moi, et ça décuple aussi les sensations et l'intensité pour lui, en fait. Alors oui. Moi, en ce qui qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Moi, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses. Moi, ça m'apporte le fait d'être dans l'instant présent avec le soumis, moi c'est vraiment un moment hors du monde, et ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Ça me permet de comprendre l'âme humaine, qui c'est absolument passionnant. Ouais. Le monde des fantasmes, le non-jugement, Ça développe aussi chez moi des qualités spirituelles, clairement. Hein. Pour moi, c'est un mode de vie et ça me rend clairement heureuse. Spirituel, c'est vrai? Est-ce que tu peux... ça m'intéresse. Moi, je suis très branchée sexe et spiritualité et bouffe. Donc, tu vois, quand tu me dis ça développe en moi des qualités spirituelles, je trouve ça hyper intéressant. Tu peux développer un peu? Eh bien, ça, c'est tout ce que je... Comment dire? C'est tout ce que je disais finalement sur les qualités du soumis. C'est-à-dire, bon, le soumis le concernant, l'acceptation, la patience, la gratitude, l'humilité. Pour moi, c'est pas seulement en séance, c'est des qualités qui rendent heureux, en fait. Hein. Alors moi, évidemment, je les exprime pas. Moi aussi, je me l'applique à moi-même d'une certaine façon. Bon, ça, c'est un peu les coulisses aussi de Maîtresse Gladys. Je sais pas si je devrais trop le dire. Mais quelque part, moi, je me soumets pas, je me soumets à personne. Mais je m'applique quand même aussi ces séances. Je m'applique aussi ces principes de vie à moi-même. Est-ce qu'on pourrait dire que tu te soumets pas à quelqu'un, mais que tu te soumets peut-être juste à ces principes-là, la vie avec un grand V, à ces principes-là. C'est, oui, voilà. C'est... Ouais, ouais. Absolument. Après, voilà, comme je suis une déesse, il y a quand même une. Je peux être très impatiente aussi. J'ai le droit. En fait, moi, la différence avec le soumis, c'est que j'ai le droit de ne pas appliquer ces principes. J'ai le droit d'être juste. Hein. Donc ça, alors que le soumis, lui, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que s'il n'applique pas ces principes, il sera puni, en fait. Hein. Oui. Et puis, il peut être puni même en les appliquant, parce que j'ai envie de le punir, en vérité. Oui. Donc voilà, mais moi ça m'oblige quand même à la vie de dominatrice, c'est une certaine discipline de vie et moi ça me rend heureuse, hein, clairement. Et alors en plus il y a le côté aussi, je trouve ça super, c'est de développer mon univers. Parce que comme tu es venu dans mon donjon, tu as vu, j'ai quand même un univers assez particulier qui est loin des codes habituels du BDSM. J'ai vraiment essayé de créer une pièce très colorée, le boudoir pop, avec des tas de petites œuvres d'art. C'est pas des choses qui valent extrêmement cher, mais des œuvres. On est vraiment dans un univers, un petit cabinet de curiosité, on va dire, avec des chaînes qui pendent, des menottes, des cravaches. C'est vraiment un espace qui est pensé pour le BDSM, et puis surtout le temple des supplices, où là, il y a tout le matériel de torture, le pilori, la cage. Le sling, et puis bien sûr, et puis alors en plus moi j'ai le jacuzzi Maso pour des séances, c'est un grand jacuzzi et c'est assez sympa de faire des séances masochistes dedans, quoi. Donc vraiment c'est super, quoi, de développer cet univers là, quoi. Voilà. Oui, t'as dédié le BDSM n'est pas juste une activité, ça fait partie intégrante de ta vie, quoi. C'est pas juste une activité à côté, c'est aussi ce côté, quoi. Ah bah oui, mais je pense que clairement, je suis dominatrice depuis toujours, finalement. J'ai cette personnalité-là, cette personnalité très cadrante, qui peut avoir ses excès d'autorité. J'aime l'autorité. En fait, je suis pas dans l'autoritarisme, parce que ça veut dire que j'aurais pas de l'autoritarisme. Ça voudrait dire que j'ai pas d'autorité. Je pense que j'ai une autorité naturelle. Et puis, je trouve ça assez merveilleux. J'aime l'exercer de façon lumineuse, en fait, avec un univers drôle, décalé, à mon image, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, ben génial, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, quelque chose que tu as envie de partager? C'est vrai qu'on pourrait passer, je pense, des heures et des heures à parler ensemble. Moi, ça me donne envie de te poser des tas de questions sur plein de choses. Mais je sais que tu as une vie bien remplie parce que, comme tu disais, Domina, c'est aussi une discipline. Tu peux m'en dire un peu plus, d'ailleurs, sur la discipline que ça te demande? D'être dominant. C'est très complet, je trouve, la domination, parce que il faut à la fois être en forme physiquement, parce que les séances c'est quand même très physique. Oui. Autant, voilà, j'adore être en séance, je suis complètement, moi j'ai plus de problème hein, quand je suis en séance, je peux être un peu mal avant, avoir un mal de crâne ou quoi, à partir du moment où je suis en séance, tout ça disparaît, ouais. Hein. J'ai plus de problème, j'ai plus de, voilà, les problèmes de la vie disparaissent totalement. Les... du coup, t'es branché en fait, tu te branches sur quelque chose voilà. Et... voilà, après, ah ouais. Mais c'est très fatigant et pour la tête et physiquement. Donc, il faut avoir une bonne forme physique. Donc, voilà, donc moi, je fais beaucoup de sport. Et puis après, ça te réclame aussi d'être posé, d'être, de ne pas être trop agité. Donc, je fais de la méditation, je pense que c'est des choses aujourd'hui que beaucoup de gens font. Mais oui. Le faire régulièrement et puis la discipline que ça demande d'avoir de l'énergie quotidienne pour mener à bien faire en sorte parce qu'il n'y a pas que les séances en fait hein, le truc c'est que moi je travaille à côté des séances ça serait vachement bien qu'il y ait que les séances mais je m'occupe du site internet il y a le matériel il y a les tenues il y a beaucoup de choses à gérer en fait à côté et puis séances. C'est aussi je sais pas si les gens savent mais c'est comme en cam d'ailleurs c'est rigolo c'est aussi quand quelqu'un prend un rendez-vous pour une séance, c'est de pouvoir soit être totalement disponible pour ce moment-là, pour cette personne, et c'est de, quand tu disais je crée les conditions pour que cette personne puisse exprimer une part d'elle qu'elle n'a pas l'occasion d'exprimer ailleurs, ça implique du coup de créer les conditions, toi, de disponibilité, d'écoute, de présence physique, énergétique, émotionnelle, c'est ça, oui. Donc c'est un total investissement. Mais c'est aussi créer des conditions pour t'avoir vu bosser, pour moi-même travailler et avoir préparé ça avec toi. C'est comment on va organiser, parce qu'une séance, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça peut être intense, et c'est 3 heures assez intenses. Comment tout est goupillé, tout se scénarise, mais un peu comme un canevas d'improvisation ou de comédia dell'arte. C'est-à-dire que tu as des points de repère, mais ça va s'adapter en permanence à l'état du soumis, où il en est, comment il est, et pour l'amener à aller le plus loin possible dans ses qualités de soumission, ce que tu disais justement. Bah, et pour l'amener à cet état qu'on appelle, peut-être certains en ont déjà entendu parler dans l'univers BDSM, cet état qu'on appelle le subspace, en fait, au moment où tu lâches vraiment prise et où tu te connectes à une part de toi, que ce soit pour le dominant ou pour le soumis, tu te connectes à une part de toi où il y a une présence à toi-même, aux sensations et au monde qui est très particulière, en fait. Et ça, c'est vraiment un gros investissement énergétique, physique, émotionnel, ouais. Et une grosse préparation en amont aussi. Oui. Et pardon, je prends un peu beaucoup la parole, mais c'est pas grave parce que je sais on en a déjà beaucoup parlé ensemble. Il y a aussi tout le moment de l'aftercare, c'est-à-dire qu'une oui. fin de séance, je sais que tu prends toujours le temps avec le soumis qui redescendent. Oui. Oui, oui. Ça, c'est, et pour c'est... toi aussi, il y a ce temps-là qui est nécessaire, j'imagine, de ok, on se recompose quoi. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que moi, je rentre vraiment dans la tête du soumis. Et, je suis hyper attentive à tout et et c'est clair, hein, c'est fatigant. Après la séance, elle est préparée. On a l'impression parfois que tout est simple, mais en fait, il y a tout le temps de préparation. Enfin, tu l'as très bien dit, hein. Et c'est clair. Non, mais c'est sûr. Il y a beaucoup de. Puis alors après, moi, je pense que ça se mérite parce que c'est pas tout le monde en fait qui. Moi, j'ai beaucoup de demandes. J'ai ouais. un gros travail de tri à faire et après oui. Voilà il y a tout l'entretien enfin moi je prends pas les il y a des gens qui me conviennent pas en fait quoi il y a des gens qui sont pas sérieux hein il y a des candidats oui. qui sont pas sérieux et après il y a des candidats qui ont l'air sérieux mais ça ne va pas me convenir et je pense que vraiment pour qu'une séance soit réussie moi je sais en fait aujourd'hui j'arrive à très bien trier les soumis et quand le soumis il va venir chez moi, je sais que ça va bien se passer en fait parce que j'aurais fait le tri avant. Voilà. Et ouais. Ouais. Bon, ben, écoutez, messieurs les soumis, parce que tu ne reçois que des soumis hommes, hein. Messieurs les soumis, si vous voulez postuler pour que maîtresse Gladys s'occupe de vous, je vous mettrai le lien vers son site. Et puis, si vous voulez postuler pour que maîtresse Gladys et moi-même nous occupions de vous, vous aurez aussi également le lien. Il y a des rendez-vous exceptionnels et ponctuels qui vont avoir lieu. Donc, profitez-en, c'est pas tous les jours. Et est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, le mot de la fin, ma chère maîtresse Gladys? Ah bah, je suis impatiente qu'on fasse de nouveaux duos ensemble. Je pense que ça va bien dépoter. C'est clair. Ça va être dans la joie, la bonne humeur. Et alors, avis à tous, c'est très chaud-froid. C'est très... Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Et c'est ça qui est merveilleux. Ah, mais ils vont rien comprendre. Hein. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. C'est ça. Ils vont mettre beaucoup de temps après à débriefer avec eux-mêmes ce qui leur est arrivé comme malheur. C'est ça. Mais écoute, merci beaucoup, maîtresse Gladys. Je te dis à très bientôt. Et pour découvrir l'univers de maîtresse Gladys et toutes les informations, le lien, ça sera sur son site maîtressegladys.com, tout simplement. À très vite, Charlie. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.